Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, c'est de vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, on dispose de 30 minutes au cours desquelles on va vous expliquer, on va discuter et on viendra à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Mais qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, ben, vous la connaissez, elle est présente à Nancy depuis 1887 et elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, prêt à partager un moment de science en notre compagnie ? On se retrouve donc aujourd'hui pour la sixième émission de Mi-Science Impossible en compagnie de trois chroniqueurs qui sont Axel. Bonjour à tous. Thibaut. Salut, salut. Et Léa. Bonjour. Et donc déjà, on tient au nom de toute l'équipe de Mi-Science Impossible à vous souhaiter une très bonne année 2022 en espérant que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Bonne fête à tous. Bonne fête. Bonne fête et bonne année. Donc pour commencer cette émission, je vais proposer à Léa de commencer sa chronique et il me semble qu'elle va nous parler des brevets. C'est ça, Laurie. Donc je vais vous raconter une petite histoire assez drôle. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mon voisin quand j'étais toute petite. Mon voisin, il m'avait raconté qu'il avait rédigé un brevet pour sa découverte scientifique. Mais je m'étais demandé si c'était le même brevet que celui qu'on passait quand on était en troisième. En me rappelant de cette histoire, je me suis dit que ça pouvait être un super bon sujet à aborder. Axel, Thibault, est-ce que vous savez ce que c'est un brevet ? Bah, il me semble que quand quelqu'un découvre quelque chose ou invente quelque chose, il peut le déposer pour en avoir les droits et être propriétaire, quoi. C'est ça. Et Axel, t'en as déjà entendu parler, toi ? Ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais surtout là, avec la fabrication des vaccins. On voit que pendant une certaine période, on était en manque de vaccins, et c'était justement des problèmes de droits et de brevets pour en créer ailleurs. Tout à fait. Donc avant de commencer, comme vous l'avez dit, je pense que c'est important de définir ce terme. Un brevet, c'est un document qui permet à son titulaire d'exploiter exclusivement son invention. C'est-à-dire, si tu as la recette d'un gâteau, tu peux être le seul à la faire et que ton voisin ne peut pas la faire, sauf s'il te paye pour que tu lui donnes la recette. Tu dois probablement te demander si tu peux poser un brevet pour la création d'un jeu ou même de la découverte d'un croisement génétique avec des plantes de ton jardin. Eh ben non, toutes les inventions ne sont pas brevetables. Ta découverte, elle doit être pour le moins nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle. Il n'est pas possible de breveter tout et n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas breveter un croisement génétique entre des plantes ou entre des animaux. Ceci relève de la nature et ce n'est pas une invention. Mais du coup, comment on sait si notre invention elle a déjà été brevetée en fait ? Eh bien, avant de breveter votre invention, il faut faire des recherches afin de gagner du temps, de l'énergie et même de l'argent. De l'argent ? Comment ça, de l'argent ? Pour le faire examiner et l'obtenir, ceci coûte un certain prix. Pour le déposer, le faire examiner et le délivrer, il faut environ compter 650 euros. Mais cela ne garantit en aucun cas l'obtention du brevet. Cependant, ce prix n'est pas représentatif. Si on désire déposer un brevet en France, le prix ne sera pas le même qu'en Europe. Il faut ici compter environ 6100 euros sans compter les frais annuels. Donc pour résumer, faites bien vos recherches sur votre invention. Mais ce qui est extrêmement important lorsque vous avez une invention, c'est d'en parler à un cercle très restreint. En effet, il existe des vols de brevets industriels. On parlera tout à l'heure d'une petite anecdote. De plus, si votre invention ou une technique équivalente ont déjà été divulguées, avant la date de dépôt de votre demande de brevet, vous ne pourrez pas avoir les droits de protection. Supposons par exemple qu'un ingénieur ait mis au point un carburant non polluant. Il en dévoile la composition dans une revue scientifique et le lendemain de la publication, il dépose une demande de brevet. Son dépôt est alors effectué trop tard. Son invention n'est plus nouvelle et le fait qu'il soit à l'origine de la divulgation n'y change rien. Vous vous demandez probablement si lorsqu'un salarié trouve une nouvelle invention au sein de son entreprise, si c'est lui l'inventeur ou non. Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante. S'il trouve une invention révolutionnaire, il doit déclarer immédiatement son invention à son employeur, car étant donné qu'il travaille au sein de son entreprise, c'est l'employeur qui est le propriétaire de l'invention. Le nom de l'inventeur, lui, sera juste cité. Mais du coup, j'imagine que ça dure un certain temps. Enfin, c'est pas à durée infinie, un brevet. Ben, c'est ça. En fait, un brevet, il dure généralement 20 ans. Cependant, les brevets pharmaceutiques sont des cas particuliers. Donc, comme il a dit Axel, avec le Covid, on peut le voir. En effet, comme tous les brevets ils ont une durée de 20 ans à compter du dépôt du dossier. Cependant, ces produits nécessitent une autorisation pour être commercialisés sur le marché. Et cette autorisation, elle peut prendre plusieurs années. C'est pour cela qu'on prolonge les droits du propriétaire du brevet seulement dans le cas pharmaceutique. Donc j'espère maintenant que vous connaissez tout sur les brevets et que si un jour vous trouvez une invention révolutionnaire, pensez à tout ce que j'ai pu vous raconter. Merci Léa pour ta chronique sur les brevets. Grâce à toi, j'ai pu en apprendre beaucoup plus. Et d'ailleurs, concernant le brevet, moi j'ai eu une mention au mien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il fait très froid à Nancy, donc j'utiliserai bien une chaufferette. Donc il me semble que c'est justement le sujet dont Axel va nous parler aujourd'hui. C'est ça. Alors personnellement, je ne suis pas originaire de Nancy, comme beaucoup d'étudiants, hein, bien sûr, mais passer du sud au Grand Est, c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'adaptation. Le plus difficile, je pense, c'est le froid. Faut admettre qu'ici, on se les pèle, hein, le matin ou le soir, hein, quand on mange dans la rue. Mais heureusement, il y a plein de manières de se réchauffer, notamment avec des vêtements plus chauds, donc des produits qui sont thermolactiles, mais aussi des petites chaufferettes de main. Vous en avez tous déjà vu. En général, c'est une espèce de bouillotte, une toute petite bouillotte dans laquelle on claque une petite pièce en métal, et la magie, ça se met à chauffer instantanément. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est un objet qui est réutilisable. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors avant tout, pour ceux qui ne voient toujours pas de quoi je parle, c'est un espèce de liquide qui, lorsqu'on lui fait subir un choc, donc dans le cas de la chaufferette de main, c'est à l'aide de la petite pièce en métal, le liquide se solidifie et chauffe. Et à la fin, on se retrouve avec un espèce de gel. Mais une fois que le gel est formé, on a beau reclaquer la petite pièce en métal, il ne se passe plus rien. Donc pour vous expliquer ce phénomène, je dois vous parler de la solubilité, c'est-à-dire la capacité d'un solide à se dissoudre dans un liquide. Prenons l'exemple d'un verre d'eau et de sel. Quand vous versez du sel, on se rend compte que celui-ci se dissout dans l'eau. Par contre, si vous versez une trop grande quantité, on se rend compte que le sel ne se dissout plus. Tout simplement dans l'eau, le sel se dissout jusqu'à un certain point, que l'on appelle point de saturation, et après ce point, l'eau ne peut plus dissoudre le sel. Elle est dite saturée en sel. Et en fait, la capacité d'un liquide à dissoudre un solide, ça dépend de la température. Donc dans le cas du sel, à température ambiante, on peut dissoudre environ 35 g de sel dans 1 litre d'eau. Mais à 100 degrés, on peut dissoudre environ 40 g de sel dans l'eau. On remarque donc que dans le cas du sel, une augmentation de la température du liquide entraîne une meilleure dissolution. Mais alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je dissous 40 g de sel dans une eau à 100 degrés et qu'on refroidit le mélange jusqu'à température ambiante? Eh bien, contre toute attente, on n'a pas formation de cristaux de sel, de sorte à ce que 35 g de sel soit dissous dans l'eau. Mais on a toujours les 40 g qui restent toujours dissous, même si normalement, à température ambiante, ce n'est pas possible. Donc dans cet état, l'eau elle est dite sursaturée en sel. On a dépassé le point de saturation et on est sursaturé. Mais même si le mélange n'en a pas l'air, en fait, le fait d'être sursaturé ne lui convient pas du tout. D'apparence, le mélange est stable. J'entends par là que ça ressemble à un verre d'eau salée normal. Mais en fait, un choc ou le moindre changement dans le mélange modifie complètement les propriétés. On parle d'un état métastable. On est dans un état instable, mais qui ne varie pas, sauf si un facteur déclencheur pousse le mélange à se retrouver dans un état plus stable. Et pour se retrouver à un état plus stable, il y a cristallisation de la solution. On observe la formation de petits cristaux et leur formation émet de l'énergie. Bon, j'espère que vous avez saisi l'idée. Maintenant, repassons à nos chaufferettes. Dans les chaufferettes, on a une solution qui est sursaturée en acétate de sodium. On est dans un état instable, mais durable, c'est-à-dire métastable. Et lorsque l'on vient donner un choc au liquide, en éclatant la petite pièce de métal, on déclenche un mécanisme de bascule de notre mélange instable vers un état plus stable. Et lors de ce mécanisme, on a une réaction de cristallisation du liquide, et cette réaction chimique émet beaucoup de chaleur. C'est pour ça que les chaufferettes permettent de se réchauffer à tout moment. Mais pour qu'elles deviennent réutilisables, il suffit simplement de mettre notre bouillotte dans l'eau bouillante. On se retrouve donc à des températures pour lesquelles l'acétate de sodium se dissout beaucoup dans l'eau et on retrouve notre liquide dans un état métastable. Merci Axel pour ta chronique sur les chaufferettes. Maintenant, elles n'auront plus aucun secret pour nous et on saura justement comment bien se réchauffer. Maintenant, nous allons enchaîner avec une petite pause musicale avec « Regarde comme il fait beau » des Casseurs Flotteurs. Comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, mesquinter la santé. Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués. Rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif, je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas les rapper. Je suis fakir, je marche pieds nus sur des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la panne de réseau. Tu viens tenir tes exos, je finis ma boîte de l'exo. Je vis dans mon 10 mètres carrés, carrelage couvert de crasse. Si je prends le balai, c'est juste pour changer. J'ai la poussière de place. Regarde comme il fait beau. Ouais, dehors, c'est l'heure pour aller jouer. J'en bats les regarde couilles. Comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Non. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Je reste à l'intérieur. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je vis en marche, plus ça va, plus je me détache. Déchiré sur les photos, même sur le périph', souris quand y'a les flashs. Je prends la syncope, ils m'en rendent malade. Au réveil, le petit déj, c'est une fin de clope et une part de pizza froide. Fatigué, je trouve même plus la force de m'ennuyer. Tout ce qui traîne peut devenir un cendrier. On est resté bloqué sur les vieilles vannes de lycée. Si t'as pas de nouvelle histoire, on va les remasteriser. Je veux qu'on me foute la paix, je dors, je provoque la chance. Je suis à l'autre bout du canapé sur les photos de vacances. J'avance avec un fort taux de latence. Je me réveille à midi, j'ai la gueule à 18. Regarde comme il fait beau. Ouais. C'est l'heure pour aller jouer. On va pas les trouver. J'ai une 4 saisons et une calzone, c'est ici. Tu peux garder la monnaie, j'ai mal au crâne quand je calcule. Des pizzas, des films bizarres, des femmes, des tentacules. J'allume une clope et pense à celle d'après pendant que je la fume. Comme une pucelle dans un gangbang, j'en branle pas une. Je prends l'évolution dans le sens contraire, je végète. Je descends même plus mes poubelles, je les lance par les fenêtres. J'ai la flemme de nettoyer mes fringues, je les jette. J'ai des portraits de mes ex, on fera des parties de fléchettes. Un t-shirt propre qui traîne égale nouvelle tête d'oreiller. La flemme d'aller pointer, paf, je me lève du mauvais pied. Je ramasse la PlayStation et les jeux qu'on m'a prêtés. Puis je trace un easy cash, tout est bon à monnayer. Regarde comme il fait beau. Ouais, ouais. C'est l'heure pour aller jouer. On va pas les trouver. Regarde comme il fait chaud dehors. Pour sortir ça et non. Regarde comme il fait beau dehors. C'est l'heure pour aller jouer. Je reste à l'intérieur. Regarde, je crois. Regarde comme il fait chaud dehors. Pour sortir ça êtes de retour sur l'émission Missions Impossibles sur la radio Fadjet. Pour ceux qui nous rejoignent après cette musique, eh bien, nous avons pu entendre deux chroniques, une sur les brevets et une sur les chaufferettes. Donc encore une fois, si vous voulez nous écouter, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On va maintenant enchaîner avec une troisième et dernière chronique pour la journée, et donc c'est la chronique de Thibaut. Et il me semble que c'est un thème plutôt d'actualité et hivernal, puisqu'il va nous parler du cycle de vie du sapin. Ouais, c'est ça, merci Laurie. Alors sachez que je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année, même si vous allez vite vous Menteur. En rendre compte. Je suis un petit peu à la bourre par rapport à mon sujet. C'est le roi des fêtes de fin d'année, un incontournable au sein de très nombreux foyers français, un véritable symbole de Noël, et oui, je pense que vous l'avez deviné maintenant. Je vais vous parler du sapin, et plus généralement de sa vie. Alors, avant de commencer, je me tourne vers les deux autres chroniqueurs, Léa et Axel. Est-ce que vous connaissez l'origine de l'utilisation du sapin à Noël ? Pourquoi le sapin et pas autre chose ? Alors là, j'en ai aucune idée. Alors je t'avoue que je pense que c'est le plus simple pour accrocher des trucs dessus et que les épines aussi tombent pas dès que t'as tué l'arbre, mais sinon, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a une légende ou même qu'il y a énormément de sapins dans les pays froids. Alors, c'est deux bonnes tentatives, mais c'est pas vraiment ça. Bon, il faut savoir qu'il y a des croyances beaucoup plus anciennes, mais il faut savoir que pour la première fois, en fait, le sapin est mentionné comme arbre de Noël en 1521 en Alsace. Donc comme je vous l'ai dit, il existe des croyances plus anciennes, mais je ne vais pas rentrer en détail parce que ça prendrait trop de temps. Et à l'époque, les décorations étaient faites de pommes, de confiseries, de petits gâteaux. Et c'est également à cette période que l'étoile qu'on met au sommet du sapin commence à se développer. Et un peu plus tard, en 1560, c'est les protestants qui ont poursuivi dans cette logique, dans l'objectif de se démarquer des catholiques. Voilà. Bien, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc j'imagine que vous vous doutez qu'avant de se retrouver dans votre salon, votre petit sapin va traverser tout un tas d'étapes. Pour atteindre sa taille finale et l'avoir dans votre maison. Donc, la vie de notre sapin commence à l'état d'une graine plantée dans le sol. Contrairement aux idées reçues, les sapins ne sont pas extraits de forêts et de production agricole, s'étendant sur une superficie d'environ 5000 hectares en France. Est-ce que vous avez une idée des régions françaises où il y a le plus de sapins qui sont cultivés ? Bah en fait, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai l'impression que des sapins t'en vois pousser partout. En fait, il n'y a pas une région en particulier où, enfin, genre, s'il fait trop chaud, il n'y a pas de problème pour avoir un sapin. S'il fait trop froid, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais plus les Landes parce que moi je sais qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. Mais sinon, non, mais dans les Landes, c'est les pins. Bah ouais, mais moi, je dirais ça pousse bien quoi. Ouais, je dirais plus vers quand même le nord-ouest. Je sais pas pourquoi. Bah, il faut savoir qu'en gros, bon, c'est pas une énorme majorité, mais environ un sapin sur quatre grandit dans le Morvan. Parce que c'est une région qui, justement, au niveau du climat, leur offre une croissance optimale. Elle offre une pluviométrie très importante, très régulière, et également une altitude favorable. Donc c'est des conditions qui sont intéressantes pour les sapins. Mais il y en a également pas mal dans les Alpes et en Alsace. Voilà. Donc, après avoir été planté dans la terre, notre sapin va se développer durant 3 ans. C'est une période pendant laquelle il va être choyé, c'est-à-dire qu'il va être traité longuement du fait de sa petite taille, et il est ensuite placé dans un godet pour favoriser la formation de ses racines pendant une année. Au terme de ces étapes, il mesure généralement entre 15 et 20 cm, et il est alors déplacé vers une autre partie de la pépinière, afin de poursuivre sa croissance pendant au moins 6 ans. Donc là, je vous dis au moins, parce qu'en fait, tout dépend du type d'utilisation de votre sapin. Si ce sont des sapins qui sont destinés aux particuliers, généralement, au bout de ces 6 années, ça fait 10 ans de croissance, et ils atteignent une taille d'environ 1m50, ce qui est tout à fait satisfaisant pour des particuliers pour être placés dans un salon, par exemple. Et d'ailleurs, à ce titre-là, ils sont coupés vers le 20 novembre, parce qu'ensuite, ils sont mis dans des espèces de filets de protection, et ils sont livrés dans les différentes jardineries et magasins qui en vendent, pour que les gens puissent les avoir juste avant Noël. Et du coup, en revanche, s'ils doivent être utilisés par des municipalités dans des rues ou sur des places, par exemple comme celui de la place Stanislas, bah vous vous rendez bien compte qu'il est beaucoup plus grand, et dans ce cas-là, ils continuent de grandir jusqu'à leurs 20 ans, les sapins. Ce sont les plus beaux sapins uniquement qui sont retenus, c'est-à-dire ceux avec des aiguilles denses, donc quand il y a beaucoup d'aiguilles, bien vertes, donc elles sont toutes vertes, bien colorées, et il n'y a pas d'aiguilles jaunes ou d'aiguilles un peu pourries, munies d'une belle implantation et d'une répartition homogène, ça veut dire que vous avez autant d'aiguilles d'un côté et de l'autre de vos branches. Voilà, vous êtes maintenant des experts de la culture des sapins, et vous pourrez vous le raconter à votre prochaine soirée. Mais c'est pas tout, parce qu'une fois les fêtes passées, vous imaginez bien que le sapin, on peut pas le garder toute l'année. Et donc il faut faire quelque chose pour s'en débarrasser. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de sapins qu'on achète en France chaque année? C'est-à-dire du nombre de sapins naturels que les Français achètent chaque année? Bah écoute, si on considère qu'on est 70 millions, qu'un foyer c'est à peu près 4 personnes... On divise par 4, et après on considère qu'il y a que la moitié des Français qui prennent des sapins naturels, je dirais en 7-8 millions. Et toi, Léa, est-ce que moi, j'aurais dit 6 millions. Bah, c'est exactement 6 millions. Et il faut savoir que c'est ce chiffre est à peu près stable d'année en année, et que d'ailleurs 20% de sapins proviennent de l'étranger, donc essentiellement de Belgique et du Danemark. Donc comme je vous l'ai dit, une fois Noël passé, les sapins sont ensuite récupérés dans des points de collecte disponibles dans toutes les agglomérations. D'ailleurs, je vous précise qu'il y en a 7 pour Nancy, donc au niveau du cours Léopold sur la place Carnot, au niveau du port de Plaisance, sur la place Maurice Ravel, sur le square de la place de la Croix de Bourgogne, dans la rue Maréchal Juin et dans le square Monseigneur Petit. Ils sont ensuite broyés pour être valorisés en biomasse, principalement pour être envoyés dans des chaudières et produire de la chaleur et d'électricité. Et d'ailleurs, vous avez jusqu'au 29 janvier si vous voulez déposer vos sapins dans Nancy. Les aiguilles deviennent ainsi du compost utile pour fertiliser les sols, donc pour l'agriculture. Et ce recyclage constitue donc une opération écologique à part entière, à condition de respecter certaines règles. Il faut jeter uniquement l'arbre dans les points de collecte, pas de boules de décoration et pas de guirlandes, sous peine de se faire enguirlander. Merci Thibaut pour ta chronique sur le cycle du sapin. On peut dire que maintenant on y réfléchira à deux fois en ouvrant nos cadeaux de Noël sous le sapin. Si vous venez de nous rejoindre, il y a eu une autre chronique sur les brevets par Léa et une autre chronique sur les chaufferettes par Axel. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Et donc on va faire une petite pause maintenant et on se retrouve après une chanson pour le jeu habituel de l'émission. Et donc à tout de suite et on se laisse sur Snowman de Sia. Don't cry snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me darling? If you can't catch me darling. Don't cry snowman, don't leave me this way. But love water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. At the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me. Baby. Don't cry, snowman. Don't you fear the sun. Carry me without legs to run, honey. Without legs to run, honey. Don't cry, snowman. Don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'm Vous êtes de retour sur l'émission Mission Impossible et on se retrouve donc tout de suite pour effectuer le petit jeu habituel de l'émission. Mais d'abord, dans un premier temps, on va laisser Léa nous raconter son anecdote sur les brevets. Donc pendant les vacances, je suis allée interviewer Serge Forestier, que vous verrez dans une prochaine émission. Donc L'Oréal, il a déposé un brevet en 1982 sur des molécules photostables. Donc on parlera de cette recherche dans une prochaine émission, comme je vous l'ai dit. Donc il y a quelques années, les deux marques Marques et Johnson & Johnson, ils ont attaqué le groupe L'Oréal pour un problème de contrefaçon concernant les molécules découvertes. Donc toute l'équipe, donc inventeurs, donc les deux, il y avait deux inventeurs... chercheurs dans cette découverte ainsi que les ingénieurs, ils ont dû partir aux États-Unis pour défendre leur découverte. Donc avant le procès, il y avait deux jours d'audience préliminaire filmée et tout était en anglais. En effet, étant donné que les deux marques pensaient que L'Oréal avait enfreint les règles établies aux États-Unis sur les brevets, le procès était aux États-Unis. Et après ces deux jours de préliminaires, donc Marques et Johnson & Johnson, ils se sont retirés car ils ont bien compris qu'ils allaient perdre de l'argent et ils ont versé une indemnité de quelques millions de dollars à L'Oréal pour cette découverte. Et finalement, il n'a pas eu de procès étant donné que par ces deux jours d'audience préliminaire, ils ont réussi à trouver un accord. Ok, bah ouais, mais de toute façon, je pense que c'est toujours comme ça. Hein. Ils se rendent compte que ça leur coûtera plus d'argent de poursuivre ces procès plutôt que de trouver un accord. Donc, mais ouais. Enfin, ça, c'est impressionnant de voir l'importance et les difficultés qu'on peut rencontrer quand on dépose un brevet. Mais surtout qu'un brevet, c'est assez compliqué parce que, étant donné que si, exemple, dans le train, tu t'amuses à parler avec un de tes collaborateurs sur ce brevet, ouais, bien sûr. Et finalement, il y a quelqu'un derrière qui entend et que lui aussi, il est chercheur ou autre, et bien, il peut te voler directement l'invention. C'est terrible. C'est la concurrence, quoi. Oui, donc il faut faire vraiment très, très attention sur ça. Oui, du coup, moi, j'aimerais bien aussi rebondir sur la chronique de Thibaut, parce qu'en fait, il nous a dit en début de chronique que, usuellement, il y avait des fruits qui décoraient, en fait, les sapins de Noël. Et est-ce que vous savez pourquoi c'était des fruits? Mais moi, je sais que mes parents, quand on parle de Noël, ils disent, enfin, ils m'ont souvent dit qu'il fallait se contenter de ce qu'on avait, parce qu'avant, on avait deux oranges. Oui, alors, moi aussi, j'ai eu beaucoup cette remarque avec les oranges. Je pense que c'est un discours commun à toutes les familles françaises. Ouais, je pense que ça m'étonnerait qu'ils mettaient les oranges dans le sapin. Je pense que c'est plus une question de génération et de moyens matériels et de possibilités d'offrir des cadeaux. Peut-être parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les connaissances ou le... Il n'y avait peut-être pas de magasins, mais de... Je ne sais pas comment expliquer. De personnes qui faisaient des décorations, quoi. Je sais pas, c'est pour les... Oui, okay. Pour les décorations, ouais. Ok. Eh bien, c'est presque ça. C'est surtout que, bien sûr, il y avait le fait de ne pas avoir autre chose que pour décorer les sapins. Mais à l'époque, surtout, on mettait des pommes, parce que d'un point de vue religieux, la pomme, ça symbolise le fruit défendu. Donc c'est ce qu'on mettait sur le sapin. Mais surtout, pourquoi on est passé du coup des fruits à quelque chose en plastique, une espèce de boule de Noël? Mais tout simplement, c'est parce que une année, donc c'est à Gauisenbruck, je suis désolé si la prononciation n'est pas la bonne, mais je pense que je pourrais pas faire mieux. Il y avait une sécheresse et du coup il y avait pas eu assez de pommes, si vous voulez, pour décorer tous les sapins des enfants. Mais il y avait une verrerie qui faisait des espèces de boules en verre. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup pris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des boules un peu... des boules en plastique. Donc normalement, ce sont des boules en verre. Aujourd'hui, le plastique, c'est ce qu'on retrouve le plus. Mais bon, c'est quand même important de dire qu'en Allemagne, ça existait déjà. Il y avait déjà des traces de fabrication de boules en verre. Mais voilà, c'était pour rebondir sur la chronique de Thibaut. Ouais, c'est cool, je savais pas du tout, donc merci. Ça explique toutes ces boules en plastique qu'on a maintenant. C'est ça. Moi, justement, j'ai quelques petites questions pour le jeu que j'ai préparé en avance. Donc justement, c'est pour rebondir sur la chronique de Léa. Est-ce que vous savez quel pays fait le plus de demandes de brevets, justement? Alors, j'ai trois propositions pour vous. Il y a le Japon, la Chine ou les États-Unis. J'hésite entre le Japon et les États-Unis, puisque les Japons, en ce moment, sur le point de vue tout ce qui est robotique, ils sont très, très forts. Mais alors, les États-Unis, ils ont toutes les marques de cosmétiques, de santé. Donc, je pense, pense pour l'instant les États-Unis. Après... Moi, justement, j'aurais plutôt penché pour la Chine ou les États-Unis parce que la Chine, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, c'est beaucoup plus... en termes de population, c'est beaucoup plus grand que le Japon et même c'est quand même beaucoup plus grand que les États-Unis. Et du coup, ils ont quand même plus de chances de... des gens qui fassent des brevets, surtout qu'ils sont en pleine... Le pays est en pleine émergence et tente de rattraper les plus grandes puissances dans le monde. Donc, moi, je pencherais peut-être plus pour la Chine. Moi, je pencherai aussi pour la Chine. Alors, c'est vrai que le Japon, c'est une bonne idée parce que dans le domaine de la technologie, je pense que c'est eux qui développent le plus de choses et le plus rapidement. Mais la Chine, je pense que d'un point de vue politique, pour eux, c'est avantageux de faire un maximum de brevets. Donc, je pense que je vais rester sur la Chine comme Thibaut. Eh ben, on a deux gagnants qui sont Thibaut et Axel parce qu'en effet, c'est la Chine qui ont fait 68 720 demandes de brevets, ce qui est quand même énorme. Pardon, est-ce que tu as le chiffre pour les autres pays ? Oui, je vais vous les donner, ne vous inquiétez pas. Donc les deuxièmes, c'est les États-Unis avec 59 230 demandes. Et ensuite, c'est le Japon avec 50 520 demandes. Mais après, il faut savoir si les brevets ont été acceptés ou non, quoi. Oui, bien sûr, il y a la nuance de l'acceptation. Là, pour l'instant, c'est juste les demandes de brevets. Léa, t'as faux, c'est tout. Non, c'est juste que... Question suivante. Question suivante. Eh bien, je peux vous demander, à votre avis, quelle est la taille du plus grand sapin de Noël du monde ? Il n'y a pas celui à New York ou à Washington, là Ah oui, sapin. Mais sapin mort ou vivant ? Sapin de Noël. Ouais, un sapin décoré, du coup. Oui, okay. Décoré. Je vous laisse calculer, allez-y. Il n'y a pas de proposition, en plus. Non, c'est le plus proche. Moi, je dirais 45 mètres, comme ça. Attends. 45 une largeur, mètres, peut-être, ou juste une hauteur. Une hauteur. Une hauteur, 45 largeur, mètres. C'est déjà pas mal, hein. 45 mètres, c'est énorme. Je veux pas qu'on donne la superficie, bah, aussi. 45 mètres, ça va. Enfin, c'est énorme, mais ça va. Moi, je dirais même plus, hein. Bah... Moi, je dirais moins. Parce que, attends. Moi, je dirais 30 mètres. 30. Ouais. Je sais pas, moi je vais dire au-dessus, je suis fou. Vas-y, 80 mètres. 80, et ben c'est Thibaut qui gagne, puisque Punaise. Le plus grand arbre de Noël du monde, et ben il s'est illuminé le mardi 7 décembre en Italie. Cette année ? Oui, cette année. Okay. Et donc c'est près du village médiéval de Gubbio, je sais pas si je le prononce correctement. Et ben ce sapin, il a été décoré de 300 ampoules. Et il mesure 750 mètres de haut et 450 mètres de large. 750 mètres de haut ? Quoi ? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est plus grand que la Tour Eiffel ? Mais non, c'est plus grand que le Burj Khalifa, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Attends, quoi ? Non, non. C'est pas un vrai sapin de Noël, vraiment ? Alors ? Bah, c'est ce que j'ai trouvé. Ça veut dire que ça fait deux Tours Eiffel. Après, peut-être que mes recherches sont fausses. Ce qui est probable, hein, si tu dis. Non, je reconnais, il y a un boucanage. Mais surtout, imagine comment les personnes font pour le décorer. Parce que déjà, quand tu nous as dit 300, j'ai cru que t'allais dire 300 mètres. Je me suis dit, il est badass, le sapin. Non, 700. 700, je trouve ça énorme. J'en ai vu des... Bah, ça fait deux fois la Tour Eiffel, quoi. Ouais, même plus. Oui, mais oui, grosso modo. Elle fait 320, 80, non ? 320 ou 325 mètres, je sais plus. Tu vas me dire que j'ai mal lu, que c'est 75. Bah non, en fait, je trouve la même info que toi. 750 mais ça, moi, c'est ce que j'ai trouvé, oui. Après, peut-être que le site sur lequel on est, on a cherché... Ah, mais d'accord, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est quoi ? En fait, c'est pas un sapin, c'est, si vous voulez, quand elle parlait d'ampoules, c'est des ampoules qui ont été posées sur une colline en forme de sapin. Nous n'aurons donc jamais la réponse à cette question. Ah ben, je suis désolée. Hein, c'est un flop. Prends la porte, s'il te plaît. Je suis désolée. Mes recherches sont fausses. Bon, ben merci Axel pour avoir rectifié mon erreur, qui était du coup. Bon, c'est la plus grande colline. Alors la plus grande. La plus grande colline en forme de sapin. La plus grande colline décorée. Non, ah d'accord. 700 mètres. J'invente pour me rattraper. Ben, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine émission. Et n'oubliez pas que si vous voulez réécouter nos chroniques, vous pouvez nous suivre sur tous nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, notre chaîne YouTube. Voilà. Au revoir à tous. Salut, salut. Au revoir.